Double S on the trap, bitch. On me dit que la vie est belle. Je trouve le sommeil que lorsque je suis def. Mon amour a pris un coup de pelle. Ouais. Pas d'araignée, j'ai mon cœur dedans. Hopé sur le terrain, je suis sur les dents. Les j'puis te soulever de mes potos. J'te laisse rapper, mais c'est des mythos. On a usé un 4 mec et deux motos. Je te fais par terre. Sans la guitare, tes ennemis vont t'oublier. Tire un bon coup, tu vas briser le sablier. T'arrêtes le temps, sors de la voiture, fais-les crier. De jour en jour, j'essaie. T'allonger pour soulager mes peines. De pas douter, j'essaie. De pas t'aimer, j'essaie. Des fois, je veux partir du pays. Aller provoquer l'embellie. Costume blanc belli, dans le four que l'on vieillit. Pas grand monde à qui je paye. Narcos entraille, un peu de soleil. J'ai qu'un souhait, faire plus d'oseille que la veille. Pour mes potos, c'est jamais trop. Du poids sur le dos, j'ai le démon de trop. La nuit je suis steppy, je n'aurai guère de répit. Je fais mon joint le soir, je pense que leur life est comme je l'avais prédit. Imbécile de ma vision, je te fais par terre. Sur la guitare, tes ennemis vont t'oublier. Tire un bon coup, tu vas briser le sablier. Arrête le temps, sors de la voiture, fais-les crier. De jour en jour, j'essaie. Car le sais pour soulager mes peines.